Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Wessels Interview, parce que on va enchaîner dans cette voie, je pense, de la dénomination de ce podcast, qui va être incontournable dans les semaines à venir, vous allez vous en rendre compte. Et puis on a déjà fait deux numéros avec Roméo et Yann Colby. Et donc ce soir, avant de présenter les invités, salut, c'est Brousty. Et donc avec moi, les deux qui vont poser les questions. Seb, salut Seb. Salut Brousty, salut tout le monde. Hein, je suis content d'être là. C'est la deuxième interview que je fais sur les trois qu'on a fait récemment. C'est toujours un plaisir de faire partie de cette équipe-là. C'est vrai, vous faites un alternance, oui, c'est vrai. Eh oui. Il n'y a que moi là qui en fait deux à la suite, tiens. Et l'autre qui était là lors de la première interview, mais pas de la deuxième, Pierre. Salut Pierre. Salut tout le monde. Oui, Voilà. l'accent qui Voilà. correspond vachement à ton couleur. C'est. Je suis du Nord. Ah, en blanc de ma coin. Bah Et ouais. voilà, oui. Salut Bilout. Voilà. Et oui, ben Ça c'était voilà. pour le cliché. Au revoir. Oui, et vous les avez un peu entendus du coup, là, ils sont du nord aussi, donc nos invités, Parfait. les cousins Authier, avec donc Bonsoir. Aymeric d'abord, Bonsoir à tous. et Alexis. Bonsoir. Voilà, ça va? Bah, ça va nickel, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. C'est Oh, ça plaisir. nous fait plaisir. Ah, ça va cool. On va commencer par les questions pour mieux vous connaître, avec d'abord la première question qui va être posée par Sébastien. Ouais, c'est une question qu'on a reçue un certain nombre de fois de la part des auditeurs. C'est une question assez simple. On voulait vraiment savoir est-ce que vous êtes issu de la même famille ou alors est-ce que c'est une gimmick finalement? Ah, À votre avis. à votre avis. Ah, les auditeurs se demandent, et moi aussi d'ailleurs. Non, Moi, je dis honnêtement, famille. on est vraiment de la même famille, ouais. On est Ouais. vraiment cousins. On a 20 ans tous les deux et on a 2 semaines d'écart, donc voilà. Ça, Ah, c'est cool. qui est le plus âgé du coup? C'est moi, c'est Aymeric. Le bleu, c'est ça. C'est le bleu. Ouais. C'est celui qui dirige la manœuvre ou c'est à part? Oh non non, il y a, y a, non Non, non, il y y a pas a de ça non dans notre non, il y duo. a pas de ça. Non non non, non on s'entend très bien. C'est pour ça que on arrive à s'entendre et jusqu'à un point de faire une équipe. Non non, il n'y a pas du tout de prise de tête Il n'y a pas là-dessus. de On rivalité, non. s'entend très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ah, c'est parfait. Et sinon, vous avez découvert le catch comment? Par le C'est une souvenir histoire d'enfance? originale, un peu comme tout le monde, en tombant devant la télé. Donc nous, à l'époque, c'était NT1, je crois. Ouais, Ouais, NT1. NT1, ouais, c'était Donc ça, moi, ouais. Alexis, j'ai commencé à regarder vers 2006-2007, je crois. C'était à l'époque de la FUD contre... Il me semble que c'était Batista Et et Booker T. Booker T, ouais, c'est ça. À peu près à cette époque-là. Ça doit être 2006-2007, je pense. Ouais, Voilà. donc ouais, moi c'est à peu près pareil. En fait, nous on a, enfin, ça fait très longtemps que je côtoie Alexis, son frère, etc. tous les jours. Donc nous, c'est vrai qu'on regardait les émissions de catch un peu ensemble. Donc ça devait être à peu près à la même époque. Et puis ouais, c'était à l'époque de Chris Benoit, 2007, la fête Batista Undertaker. C'est assez récent hein, finalement, parce que on a 20 ans, On est jeune, on on est n'est pas très des. on est jeune, donc non non, c'est venu comme ça tout simplement. On Ouais. était tout simplement fans de catch. Et puis À un la beau télé. jour, voilà, on a eu l'opportunité de s'entraîner à Tourcoing, donc on a saisi l'occasion. Ah d'accord. Ah. C'est arrivé quand cette opportunité? Donc ça vient de moi. Donc un beau jour, à l'époque j'étais lycéen, j'avais 16 ans, et j'allais en cours tout simplement dans le métro, tout ça, et j'étais tombé sur un article donc dans le journal qui disait ouverture d'une école de catch dans le nord à Tourcoing. Moi j'habitais à Tourcoing, donc c'était parfait. Donc ouais, ben, j'ai appris que l'école elle était à 500 à l'époque, enfin 500 mètres de chez Aymeric, quoi. Ouais. Voire moins, donc j'ai dit ouais, Aymeric, faudrait peut-être qu'on aille passer le pas un jour, et au bout de 2 3 mois d'attente, on a décidé de faire un entraînement. C'était en 2010. Ouais, donc tout début 2010, c'était NCatch en fait, NCatch qui avait ouvert depuis janvier, non, non, excusez-moi, juin 2009, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment une école toute récente, on était dans Ouais. les premiers élèves tout compte fait. Ouais. Finalement, et puis bon voilà, de fil en aiguille, on y est depuis plus de 4 ans On est toujours maintenant. resté, ouais, fidèle, constant. Donc voilà, et puis c'est vrai que j'ai tout de suite suivi Alexis quand il m'a dit qu'il y avait une école pas loin. Et puis ben voilà, au début c'est vrai qu'on prenait, c'était un peu de la découverte. Vraiment la première année, on se disait voilà, est-ce que ça va nous plaire, ça va pas nous plaire. Puis finalement, ça nous a plu et voilà, on en est aujourd'hui, on continue et on est très fier. On est très fier d'avoir saisi cette opportunité là. Du coup, vos débuts c'était chez Ncatch. Vous pouvez nous décrire un petit peu votre parcours dans les fédérations françaises? Ouais, donc notre premier match. Donc on n'a pas démarré en équipe, on a tous les deux commencé avec un match solo. Et moi, mon premier match, c'était pas sous la bannière Ncatch. Moi, on m'avait emmené à l'époque, donc c'était en 2011. On m'avait emmené à Paris à la Lucha Libre, donc c'est une sorte de bar wrestling avec un petit ring en bas dans une cave, tout ça. Donc c'était assez sympa pour commencer. C'était pas trop stressant parce que c'était un public assez restreint. Allez, une trentaine de personnes confinées, donc il y avait une bonne ambiance, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé. Donc c'était pas sous Ncatch. Donc Emric, ton premier match, c'était... Ouais, moi mon premier match, c'était à peine, puisqu'on a commencé vraiment en janvier 2010. Et on va dire septembre, à partir de septembre 2010, j'ai commencé à Pont-à-Vendin. Dans le nord, donc sous Ncatch, un petit match contre Sturi, donc Philippe Marcignac qui est notre entraîneur aujourd'hui. Donc 6 mois après, hein, tout simplement, j'ai commencé mon premier match, un peu stressé, beaucoup stressé même. Ouais. Je m'avoue que ce soir-là, j'ai failli me dire punaise, mais qu'est-ce que je fais? Faut que t'arrêtes. j'ai pas ma place. Tout compte fait, non, c'est passé et puis voilà quoi. On est toujours là. Voilà. Notre premier match, donc c'est fait un petit peu. Prématurément, si je puis dire. Ensuite, Alex, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ensuite? Eh ben ensuite, on a fait notre premier match tag, c'était en 2011. Ouais, octobre 2011, ouais. Ouais, octobre 2011, c'est ça. À Estevel. Estevel, dans le Nord, et toujours sous Ncatch. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas catché en équipe pour votre premier match, vous avez commencé en solo alors? Non. Chacun de notre côté, en solo. Okay. Ouais, on a mis un an et demi avant de. Ouais, en fait, c'est même pas notre initiative, hein, qu'on a été mis en équipe au début. C'est notre entraîneur, donc Sturi, qui nous a dit tiens, on va peut-être les mettre ensemble. Vous accordez bien, vous connaissez super bien. Voilà, ça s'est fait de fil en aiguille et puis voilà. Depuis, on est toujours resté à deux. Et puis voilà quoi. C'est vraiment cool de pouvoir partager des moments comme ça avec les personnes qu'on apprécie vraiment. Enfin, là, c'est la famille. Partager ça sur un ring, une passion comme ça, c'est génial quoi. Ouais. C'est vraiment génial. On va rester peut-être dans le génial, je sais pas, mais on va vous poser, vous demander vos meilleurs souvenirs et vos pires souvenirs dans le ring. C'est une question assez générale, mais il faut y passer. On va commencer avec peut-être les meilleurs souvenirs. Les meilleurs souvenirs déjà, enfin pour moi, le vrai tournant, on va dire, de notre jeune carrière, ça a été le fait de pouvoir participer à un séminaire à l'étranger, donc en Angleterre, avec la 4FW, donc la 4 Front Wrestling. Suite à ça, on a réussi à avoir un show. Ouais. Donc dans un. Ouais, le show, c'était pas un show 4FW, c'était une autre fête qu'on avait démarché donc sur place. Qui avait justement un show de libre. Et voilà, ils nous ont demandé de participer. Donc, on a pu faire un match tag sur place. Donc, en Angleterre, c'était Birmingham, je crois. Ouais, c'est ça. À Birmingham. Et du coup, voilà, on a fait notre premier match à l'étranger à Birmingham. Et franchement, super, super. Parce que c'était un show extérieur. Il faisait franchement. Et pour l'Angleterre, ce jour-là, il faisait vraiment beau. Il devait faire 30 degrés. Le ring était brûlant. Donc, ça reste un beau souvenir quand même. Ouais. Ça, c'est un beau match, ouais. C'est vraiment le souvenir. Après, dernièrement, notre dernier match tag, c'était avec la FFCP également, à Supélec, donc l'école de commerce à Gif-sur-Yvette. C'était une ambiance de folie, hein, faut le dire. C'était organisé par un syndicat étudiant. C'était voilà. Ça. Et donc, on a fait un super bon match avec les adversaires. C'était Hysterico et Walter Brown. Ouais, deux catcheurs FFCP, ouais. Ouais. Et puis là, franchement, on en sort avec. Ouais. C'est un très, très bon souvenir. Ah, c'était nickel. Donc, après, c'était quoi le pire souvenir? Ouais, c'est ça. Donc il y en a pas, hein. Bon, si, bien sûr. Il y en a, mais enfin oui. Après voilà. Après c'est des petites anecdotes. C'est par exemple quand on a fait notre premier séminaire sur ring, puisque bon, on a commencé à apprendre le catch. Non sur un ring, mais sur un tatami. Donc, ouais, tatami dojo. Ouais. Donc dans un dojo. Notre premier séminaire donc sur ring, on l'a fait. Donc c'était durant l'été. Donc ça a été. Par contre, quelques mois plus tard, en novembre, donc on a fait ça dans une salle où il n'y avait pas de chauffage. Ouais. Une salle de. Bah, c'était un grand gymnase en fait où Wencatch avait posé le ring pour qu'on fasse un grand week-end de séminaire. Ça devait être vendredi soir, samedi, dimanche, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc c'était en plein mois de novembre, je pense, un truc comme ça. Il devait faire dans le nord, hein, moins 10, quelque chose comme ça. Et pas de chauffage. Et bon, quand c'était la séance d'Atemi, bon, voilà, ça a été moins marrant. Non, mais sinon après c'est que des détails. Hein, ouais, c'est des détails, franchement, on passe que des bons moments. Et vous avez jamais eu de blessure? Rien de grave. Rien de très grave. Non, bénigne, quoi, voilà. Ouais, on n'a jamais fini à l'hôpital, non. Ah, non, après, voilà, c'est sûr qu'on n'est pas des hommes de fer, on va dire. On se blesse toujours un petit peu. Pas pour toi. Non. Enfin, voilà, c'est à un moment, il y a des articulations qui lâchent un petit peu, mais sinon, rien de grave. Non, ouais, c'est des heureusement. Petits bobos, c'est l'épaule qui fait mal de temps en temps, mais après ça, non, ça va. Rien, pas de gros bobos. Et sinon aussi une question qu'on pose aussi à chaque fois, c'est quel serait votre dream match, bon, sauf que là dans ce cas-là, je dirais en équipe. Sur l'équipe que vous rêveriez d'affronter ou les équipes. Bah je pense donc dans le monde entier, n'importe quel Fed. Ouais, n'importe. Ouais. Okay. Puis même n'importe quelle époque peut-être aussi. Ouais. Ben je pense que ça serait l'équipe qui nous a le plus inspiré, je pense que vous l'avez peut-être deviné, ça serait les Landrix, VVE. Paul London et Brian Kendrick. Ah oui, c'est vrai que dans le style, ouais, on peut vous voir un petit peu là-dedans, c'est vrai. Même dans la tenue vestimentaire, je trouve. Hein. Ouais, c'est un petit peu. Ah ouais, faut le dire, c'est un petit peu aspiré, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est. Puis bon, c'est vrai que bon, à l'époque, quand on regardait encore. Enfin, à l'époque, c'est pas si vieux que ça d'ailleurs. Ouais, mais on est jeunes. on les regardait encore, on se dit, putain, ces mecs, ils ont la pêche, et c'est des. Ouais. C'est ce qu'on voudrait faire dans le ring, quoi, rapide. Ils ont la pêche, quoi. Ils ont la pêche. Ouais, ouais. Après, voilà, ça, ce serait vraiment, c'est un dream match auquel on pourrait participer, c'est celui-là. Après, sur le circuit européen, on a eu l'occasion de faire un séminaire d'entraînement avec Tommy End, la Sumerian Death Squad. Michael Dante, oui, qui forme. Oui, Michael Dante. Peut-être niveau européen, si on pouvait faire donc niveau mondial, ça serait les Landrix. C'est peut-être niveau européen, je pense qu'on kifferait bien de faire un petit match avec la Sumerian Death Squad. Peut-être pas tout de suite parce qu'on est peut-être pas encore à ce niveau-là, quoi. Mais dans quelques années, ouais, on aimerait bien. Ouais. C'est vraiment bon. Après, c'est dream match, c'est dream match. Voilà. Pour avoir vu Tommy End et Dante ce week-end, je comprends pourquoi. Ouais. C'est franchement. Non, ils ont tout. Ouais, ils sont vraiment très très bons. Il y a l'attitude, ouais, c'est vraiment. Et sinon, si jamais vos chemins venaient à se séparer un petit peu, peut-être un dream match en solo aussi. Vas-y, Alex. Personnellement, un catcheur que j'ai toujours bien aimé, c'est Goldberg. Bon, ça serait un squash, je l'avoue. Toujours un squash. Ouais, c'est toujours un squash. Mais j'avoue que je kifferais bien un bon gros match contre Goldberg. Ouais. Et pourtant, c'est étonnant puisque tu l'as pas vraiment connu en action, puisque tu as dit que tu étais fan à partir de 2006-2007. Ouais, mais après, okay. Voilà, quand tu deviens fan, tu commences à regarder d'autres trucs, plus vieux. Les retours en arrière. Ouais. Les retours en arrière, tout ça, les petits DVD qui sortent, tout ça. Donc, ouais, Goldberg, j'ai bien été fan, ouais. C'est un peu bizarre, ouais, puisque au final, la WWE, pour reprendre cette fédération, à partir d'un certain temps, on trouve que ça a commencé un peu à, comment dire, décliner, c'est plus exactement nos attentes. On trouve que c'est un petit peu, enfin, pour un public un peu plus large, vraiment à partir de 2008-2009, on a senti que c'était un petit peu. Donc bon, après on a commencé à faire des retours en arrière, et c'est vrai que. Bon, comme il dit Alex, hein, Goldberg, c'était même encore, on a encore des frissons parce que c'est le mec qui arrivait à faire lever des salles. Bon, certes, au niveau catch purement, à proprement parler, c'est pas, c'était pas le meilleur, mais niveau attitude, un charisme, voilà, ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut voir aussi. Niveau catch, c'était peut-être pas le meilleur, mais niveau attitude, je trouvais que c'était vraiment quelqu'un de super, quoi. Ouais. Et toi, Emeric, aussi Goldberg, comme ça, ça fait handicap match, non? Ouais, bah au final, on se retrouverait, vous voyez, au final, on se retrouverait. En solo. Ça ferait un petit peu le segment avec le, au début de Ryback, avec les deux gars sur le ring, avec Two is better than one. Ça ferait un peu ça. Tout à fait. Bon. Après, bon, voilà. Ouais, bon, le match serait pas forcément très intéressant, mais ce serait rigolo. Ouais. Tout à fait, ouais. Toi, Goldberg aussi? Bon, ouais. Après, moi, c'est vrai que j'avais jamais, il y a plusieurs catcheurs que j'apprécie, j'ai été fan, je crois que je serais même peut-être un peu moins, mais Undertaker, voilà. Ah, t'auras plus l'occasion, là. Voilà, je pense que bon, j'aurais aimé mettre fin à sa streak, mais bon, c'est pas grave, on l'a fait à ma place. Le 30-0, ça sera pas pour toi, là. Voilà, non, mais, ouais, peut-être toi, allez, pour pouvoir lâcher tes cœurs, mais sinon, j'ai pas vraiment de. Ouais. Voilà. À part peut-être Brian Kendrick ou Paul London qui marche très bien aussi en solo, hein. Oui, tout à fait. Ouais. On a vu. Ouais, pourquoi pas affronter l'un ou l'autre. Hein. C'est vrai que c'est. Non, solo. Ouais, et après, on règle sans tag. Ouais, ça serait. Ouais. Surtout qu'ils ont tourné. Il me semble que c'est. Ouais, Paul London qui a tourné en Europe il y a pas longtemps. Oui. Et, je sais pas. En Angleterre, ouais, il a fait une tournée déjà. Ouais, il est passé en Allemagne aussi, j'avais vu. Ouais. Il me semble qu'il est même passé en Belgique. Il doit être le. Il y a un ou deux mois. Il me semble que j'avais failli y aller, mais on avait eu un empêchement, tout ça, donc, Même les deux, même le Paul Ledon et Brian Kendrick, ils sont passés il y a pas longtemps en Belgique. Ah, d'accord, ben, c'est bien. En plus, on découvre des choses, parce que je savais pas du tout, moi, par exemple. Donc, ouais. Comme quoi. Et, sinon, on va passer au paragraphe carrière, actuelle ou future en général. Vous demandez, vous vivez, du catch actuellement, ou, vous avez des choses à parler? C'est un peu compliqué. En ce moment, ouais, c'est un petit peu compliqué, même pour ceux qui sont en France très très bons dans le business, je pense pas qu'ils en vivent, tout simplement. Donc nous, on n'a pas assez de booking pour le moment, malheureusement. Donc non, on n'en vit pas, non. Non, on est étudiant, on est encore dans nos études. Alex, sa licence, moi c'est mon BTS banque, mais bon, je vais me reconvertir dans pas très longtemps, mais non, on continue nos études à côté. C'est pour ça que c'est quelque part, mais voilà, c'est épuisant parce que on va à la salle quand même tous les soirs après les cours, après le boulot. Donc c'est vrai que c'est un investissement. Voilà, c'est pas parce qu'on est plus discret en ce moment sur les rings que l'investissement justement. Ouais. D'accord. Et l'entraînement, ça se passe comment? C'est un régime hebdomadaire, c'est tous les jours, ça dure combien de temps à peu près? Nous, on a deux. Donc, comment dire? Deux créneaux? Ouais, deux créneaux. Tu parles du catch, là? Ouais. Tu parles du catch, ouais. Non, mais je voulais dire muscu. Ah, d'accord, oui, on combine les deux, en fait. Ouais, on combine les deux, en fait. On combine catch et musculation. Musculation, on a démarré très tard. Vu que quand on a démarré le catch, on avait que 16 ans et on n'était pas encore dans le délire bodybuildé, tout ça. Donc, la musculation, on a démarré en octobre 2012. Donc, voilà. Donc, niveau catch, les entraînements, comment ça se passe? Donc, on a deux créneaux. Donc, le lundi soir et le mercredi soir. Et tous les autres jours de la semaine, on fait muscu. Donc, lundi catch, mardi muscu, mercredi catch, jeudi muscu, vendredi muscu. Sur le papier, c'est ça. Ah oui, ça fait des journées bien remplies, en effet, oui. Ouais. Et c'est qui vous entraîne, au fait? J'avais pas. C'est Sturi, Philippe Marcignac, qui était avant la ICWA de Booster. Bon, suite à un différent. Bon, après, nous, on n'est pas dans les histoires, etc. On s'occupe pas. Il a décidé de faire N-Catch et du coup, on a été ses premiers élèves. Hein. Avant, il était arbitre principalement. Il était arbitre pour la ICWR. Mm-hmm. Sinon, prochaine question. On sait que vous faites partie de la FFCP. En quoi cela a-t-il influencé votre carrière? Bon, on a commencé quand c'était quand notre premier match FFCP. Ça a été après le booking FFCP, c'était quoi? C'était 2013, hein, quand on a vraiment commencé, c'était vers Poigny. C'était Poigny ou pas? C'était après Poigny, parce que Poigny la forêt, c'était la TPW. Ouais. Donc c'était juste après. La première fois qu'on a vu Marc Mercier, donc c'était un show avec trois fédérations combinées. En fait, il y avait du roster de la FFCP avec Marc Mercier, du roster TPW avec White Storm, donc Marc Sebir, et du roster N-Catch, donc nous et Sturi. C'est là qu'on a pu rencontrer Marc Mercier, c'est là qu'on a fait notre match. On avait fait à l'époque un 2 contre 2 contre 2. C'était donc la team N-Catch contre la team TPW contre la team FFCP. Donc voilà, on a fait notre premier match devant Marc Mercier et tout ça. Apparemment, ça lui a plu vu qu'il nous a rappelé quelques semaines plus tard pour faire un show en région parisienne, donc Spelec, c'est ça ? C'est ça. Donc du coup, voilà, on est parti à Paris faire un show qui a, donc on vous en a parlé plus tôt, c'est un de nos meilleurs souvenirs, quoi. Donc voilà, on espère avoir plus de shows FFCP. Je pense qu'il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver prochainement. Faut rester connecté, on va dire. Et je pense que voilà, il va y avoir de bonnes nouvelles qui vont arriver. On espère avoir encore plus de shows. Et on en a déjà un peu parlé, mais qu'est-ce que vous pensez du nouvel organigramme avec notamment Marc Mercier qui est revenu à la tête de la fédération et Norbert Feuillant qui est vice-président et qui va s'occuper des bookings et des annonces? Rick, je te laisse répondre. Norbert, c'est quelqu'un qu'on le connaît bien, on le connaît très bien puisque Norbert, bon, c'est une personne qu'on apprécie beaucoup. C'était le speaker de N-Catch. Donc, début de N-Catch, bon, jusqu'à aujourd'hui. Marc Mercier, pareil, c'est vrai, c'est une personne formidable. Mmh. Je pense que on n'a pas de souci à se faire au niveau de la FFCP. Mmh. C'est des personnes vraiment très très pro. Il n'y a pas de souci. Après, sur le départ d'Artemis, un petit peu choqué quand même. Parce que... Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait pas. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on s'attendait pas à un départ aussi bon, rapide. On mais peut bon, la juger. Ils voilà. Ils ont sûrement fait des bonnes choses. Hein. C'est pas parce qu'elle part. Voilà, elle avait ses projets personnels. C'est tout. C'est comme ça. Vous aviez pas eu de contact avec Artemis sur peut-être sur quelques bookings futurs. Elle nous disait justement que tout allait venir en temps et en heure. Donc là-dessus, je suis certain qu'ils ont fait du bon boulot. Je suis certain que ça continuera dans ce sens-là. Franchement, on se fait pas de soucis. Enfin, personnellement, en tout cas, je me fais pas de soucis. Vous vous faites pas de soucis, d'autant plus que Norbert Foyen dit que vous êtes qu'il voit en vous un peu le futur avec la SFCP, justement. Ah, c'est gentil. Après, on n'a pas cette prétention-là. Enfin, voilà, on se donne à fond. Ouais, on se donne à fond dans ce qu'on fait. On espère que les gens aiment bien ce qu'on fait également. Donc, voilà, bon, ça, c'est clair que ça nous fait plaisir qu'ils nous disent ça. Hein, mais bon, on se donne à fond, ça c'est clair. On fait pas dans la... Vous vous sentiriez de faire un peu les globetrotteurs comme certains font comme ça. C'est vraiment un jeu d'ailleurs. Il y a pas vraiment de peur de justement partir comme ça avec. Non, c'est vraiment ce qu'on veut faire en fait. On aimerait pas trop être affilié à une seule fédération en fait. Moi, je suis pas d'accord avec les fédérations par exemple qui veulent garder à tout prix leurs élèves, leurs bons éléments. Pour moi, pour s'améliorer dans le catch, il faut bouger, faut aller de pays en pays, voir comment les autres bossent, comment les autres font ci, font ça. Faut bouger, c'est la meilleure manière de progresser, je pense. Et ouais, moi je suis pas. Puis, de toute manière, puis qu'on a été en Angleterre, on a vu également qu'on avait plus d'assurance. Enfin, voilà, on rencontre d'autres gens. Bon, là, prochainement, on s'en va au Portugal mi-juin pour un séminaire. On sait qu'on reviendra, on aura de l'expérience en plus. Bon, pour le moment, on aimerait vraiment faire plusieurs pays en Europe. Parce que voilà, en Europe, au niveau budget également, faut faire attention parce que voilà, faut le rappeler. Donc étudiant de 20 ans, donc on peut pas partir pour l'instant aux États-Unis ou au Japon ou. Mais voilà, faire un maximum de pays en Europe déjà, ce serait vraiment un point très positif. L'objectif. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, quand vous allez à l'étranger, est-ce que vous jouez sur le côté français ou pas du tout? En même temps, vu mon accent, je pense qu'il remarque quelque chose. Bien sûr, on joue toujours sur le côté français. En Angleterre, ils nous ont annoncé comme les Français, donc on était face. On était face. Dans le main event, donc En Angleterre, ils ont une bonne image des Froggies, comme ils nous appellent, donc ça va, ça s'est bien passé, ouais. Au Portugal, on sait pas quelle image ils ont des Français, mais on jouera les Français quand même, on verra ce que ça donne. Mais non, pour le Portugal, c'est uniquement un séminaire. On a pas de show pour le moment, mais on pourra y retourner quand on veut, de toute manière. Voilà, on a du contact maintenant, on va dire. On connaît des personnes, voilà, on sait qui pourront nous. À force de bouger, justement, comme je vous le disais, on tisse des liens, on tisse des contacts, et voilà. Maintenant, je peux vous dire qu'on peut aller en Angleterre quand on le souhaite, quoi. Il n'y aura pas de souci. Et voir peut-être en Hongrie un jour, hein, par rapport à Yann qu'on avait eu récemment, ouais. Exactement, ouais. Tout à fait, c'est un des objectifs aussi également de l'Hongrie. C'est vraiment. Il y a Tommy Yen hein, aussi. Ouais, ouais, on va peut-être faire notre match contre la Sumérienne là-bas. C'est jamais. Mais ouais, la Hongrie, ouais, c'est un objectif, ouais. Tout à fait. Et on va revenir au catch en France un petit peu avec une question auditeur, Showtime, qui vous demande votre avis sur la situation du catch en France actuellement, en général et par équipe. Donc, c'est vaste. ouais, c'est assez vaste. En mon sens, trop de rivalité. Ouais, c'est ce qui tue le catch en France. Trop de rivalité entre les fédérations, entre les catcheurs. Ça se tacle sur Facebook pour de vrai. Ça s'insulte, ça fait ci, ça fait ça. Il faudrait plutôt s'entendre et faire quelque chose de bien, faire tourner les catcheurs dans les fêtes des uns des autres au lieu de se tirer dans les pattes et voilà de faire freiner le catch en général quoi. Ouais, surtout que bon le but d'harmoniser justement le catch en France, c'est qu'il y a de bons éléments, faut pas se cacher. Tristan Archer, Whitestorm, Booster, voilà, il y a des bons catcheurs, bon ça c'est clair. Ouais, c'est clair. On regarde nous-mêmes les shows, on est aussi spectateurs. Il y a vraiment de bons catcheurs, donc c'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. Ouais. Il y a du gâchis. Ouais. Après. Non, voilà, harmoniser un petit peu tout ça. Je pense que ça fera du bien à tout le monde. Ça fera du bien à tout le monde. Du coup, vous avez sûrement entendu parler des deux shows de l'ICWA du week-end dernier, Révolution 6 et puis Adrénaline. Ça vous plairait de travailler avec l'ICWA avec des shows comme ça, soit Révolution 6 ou le concept un petit peu plus original d'Adrénaline, justement les fans au bord du ring comme ça. Ouais, ouais. On n'a pas la prétention aujourd'hui de dire non, on veut cette fête-là, on propose. Non, c'est non. Non, non, faut découvrir. On n'est pas dans la prétention de se dire, tel promoteur va nous proposer, on va dire non. On est à un stade aujourd'hui où on peut pas prétendre choisir. Enfin, il faut de l'expérience. On peut pas refuser. C'est bien sûr si la SWA propose, bien sûr. Et on a aucun souci avec l'ICWA, quoi. Il me semble même qu'Amérique a déjà participé à un show ICWA. Oui, avec un des élèves de Booster qui devait organiser une carte un peu à sa façon. On n'a aucun problème avec personne. On prend parti pour personne. Voilà. Ah, très bien. Et une autre question auditeur de David Curl. Vous avez parlé d'un séminaire au Portugal. Et est-ce que vous avez quelque chose d'autre de prévu, des matchs déjà prévus ou pas? Donc, pour le Portugal, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, là, cette fois-ci, on y va uniquement pour participer à un séminaire de la Pride d'Angleterre. Donc, il y a des catcheurs de la Pride, de la Fédération Pride qui viennent au Portugal également pour faire le séminaire qui sera animé par Tyler Hawk. Tyler Hawk. Il y aura Red Eagle, évidemment. Red Eagle, ouais. C'est sous la bannière de son école. Donc voilà, mais notre contact là-bas au Portugal nous avait également proposé de revenir faire un séminaire en août, où là, il y aurait potentiellement un show à la clé. Après, voilà, on verra bien. Il faut pouvoir combiner aussi le catch, études, etc. Tout ce qui s'en suit également. En vacances. Il faut y penser également parce qu'on travaille. Il faut toujours du repos, oui, un petit peu des fois. Le week-end, ça fait du bien. Pendant la semaine, ça fait du bien. C'est clair. Ouais. Donc, des shows, après, pourquoi pas une perspective avec la FFCP également. Je sais que chez Ancash, en ce moment, on se fait un peu discret. Parce que bon, pour le moment, NCAT, je veux se reconcentrer aussi sur son école. Ouais. Puisque bon, il y a une certaine époque où on a NCAT, j'ai vraiment bien investi pour des shows de qualité. Ouais. Avec à Tourcoing, on a fait entre 400 et 500 personnes plusieurs fois. Ou Joey Legend. Qui a entraîné donc Edge et Christian à la WWE. Ouais. Et il était sur les shows. Donc voilà. Pour le moment, chez NCAT, on se reconcentre un peu sur l'école. Et puis, ce qui nous empêche pas de rester en contact, bien sûr, on est également présent chez NCatch, mais là, il y a une optique apparemment FFCP qui se met en place pour les prochains mois, donc voilà, c'est plutôt positif. On sait que vous avez lutté bien évidemment dans des rings traditionnels à quatre côtés, mais également un ring à six côtés, comme on a pu le voir notamment sur votre page Facebook. En quoi cela change la manière de faire pour un catcheur? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Moi, je suis pas fan. Moi, je suis pas très très fan. Mais ouais, c'est une bonne expérience, c'était à faire. Et voilà, moi, j'aime moins. C'est un petit peu frustrant. C'est vraiment pas l'habitude. Ouais, ça change beaucoup de choses niveau positionnement, tout ça. Envoyer l'adversaire dans les cordes. Ouais, ça chamboule pas mal de choses. Et je suis un petit peu moins à l'aise, mais je suis content de l'avoir fait quand même. C'est une expérience à faire. Ouais, c'est vrai que quand la première fois que je suis rentré dans le ring à dans ce ring-là, j'ai un peu regardé autour de moi, j'ai dit par où je me lance. Et c'est vrai que niveau fluidité, c'était un petit peu moins moyen, cadencé, alors. Voilà, ouais, moins cadencé. Voilà. Bon après, c'est une habitude à prendre, c'est clair. Mais c'est différent. C'est vrai que c'est vraiment différent par rapport à un ring traditionnel. Ah oui, non, bah effectivement, vous aurez jamais allé à la TNA d'avant, alors je pense. Par exemple. Ah, si on nous propose, on dit pas non. Ah oui, je me doute. C'est sûr, ouais. Quels sont les différents matchs, sinon, les stipulations que vous avez pu faire en équipe ou en solo? On est toujours resté dans des matchs assez simples, ouais. On a fait du solo simple, on a fait du tag. Les tags étaient peut-être un peu plus. À un moment, bon, on a eu un 2 contre 2 contre 2, comme on vous a expliqué tout à l'heure. On a fait des formules. C'était un tornado où il n'y avait pas besoin de tag, où c'était traditionnel, où il fallait que l'équipe tag à l'autre équipe pour passer. Ah, il fallait que l'équipe tag l'autre équipe. Ouais, hein. Voilà, tout à fait. Ouais, c'était pas tous dans le même moment. Mais sinon, non. On s'est quand même, Alexis et moi, on s'est quand même affrontés deux fois. C'était à Belleville-sur-Loire, il me semble, il y a 2 ans. Ouais, c'était en 2012. Ouais. 2012, puis on s'est réaffronté à l'U1 pour un catch. 2013. Voilà, bon, c'est super. Hein, j'ai gagné les deux, non? Ouais, non. T'as gagné les deux. Ouais. Ah non, t'as pas gagné les deux. Non, un partout. Voilà, un partout, c'est vrai. Va falloir faire la belle, hein. Bientôt. Puis on s'est affronté dans un de nos premiers matchs aussi également, c'était à Tourcoing. La deuxième édition Fatal Four Way, il me semble. Voilà, de Saturday Night Catch, où on s'est affronté en Fatal Four Way, donc Alexis, moi-même, Léo Nollet, qui était un catcheur aussi également de N-Catch, et Damien Devel. Donc également catcher chez N-Catch et assez récurrent à l'FFCP. Donc ça c'était un beau match également. Ouais. Par contre, je voulais juste revenir un tout petit peu. Là, vous disiez donc vous êtes affronté donc deux fois. Mm-hmm. Est-ce que les repères là un contre un, vous pensez que c'est mieux par équipe ou c'est plus facile quoi le fait que vous connaissiez très bien hein, le temps par équipe ou... Alors en un contre un, c'est très facile puisqu'on se connaît par cœur. Ouais. On se connaît par cœur, on sait ce qu'on va faire, donc voilà, c'est un plaisir. Pas de prise de risque, on se connaît par cœur, on sait ce qu'on peut faire, ce que l'autre peut pas faire, sur quoi on peut partir, tout ça. Après, en un contre un avec d'autres personnes, c'est différent que d'un tag. En fait, en tag, il y a une alchimie, il y a. Ça va tout seul, on se complète, on sait exactement à quoi. Il y a une réelle alchimie, il y a une réelle alchimie l'un envers l'autre. Du coup, pour les adversaires également, c'est tout à fait plaisant. Après, pour avoir fait quelques 1 contre 1, c'est vrai que c'est pas pareil que les matchs par équipe. Enfin, je trouve ça, il y a toute une psychologie, toute une construction différente. Donc, c'est pas la même chose. Mais nous, je pense qu'on préfère, vaut mieux, on préfère les matchs tag. Ouais. Mais on crache pas sur les 1 contre 1, loin de là. Hein, bien sûr. Ah oui, il y aura cette revanche, oui. Oui, tout à fait. Et lutter en face ou en heel, vous préférez quoi? Face. Ah, on a fait une fois en face, heel. Face. Voilà, on a fait une fois en heel, c'était à Le Portel. Ouais, une ville du Nord, heureusement qu'il n'y avait pas 10 000 personnes. Voilà, parce que. C'était pas beau à voir. Non. On a fait, comme d'habitude, on s'est donné à 100% tout ça, mais on est bien plus à l'aise en face. Voilà, j'ai toujours besoin même de rester, de garder le public en éveil, de taper des mains quand l'un est sur le ring. Ouais, c'est naturel. C'est quand on est arrivé à une catch, c'est notre entraîneur qui nous a dit, ouais, vous serez face, vous l'avez dans la peau, on peut dire ça comme ça, vous serez face, c'est naturel. Il y a des gens, ils sont, c'est un peu marrant à dire, mais ils sont prédestinés à être dans le ring, heel ou face, quoi. Voilà, c'est comme ça. C'est... Du coup, ça fonctionnerait très bien avec Tommy Yen et Michael Dante, qui sont eux, par contre, des heels vraiment naturels aussi. Ah, bah voilà. On rejoint l'idée que là, franchement, il y a un truc à faire. Ouais. On va leur en parler. Je reviens encore là sur les différents types de matchs. J'avais vu sur votre page Facebook, il y a quelques temps bien sûr, je crois que c'était Alexis, là, tu étais allé disputer un Rumble match en Angleterre. C'était il y a... C'était en avril, je pense. C'était en avril. Je suis parti... par rapport à mes études, j'avais eu quelques semaines de vacances, 2 semaines, je pense. Donc j'en avais profité pour aller chez mon contact en fait. Et donc voilà, le jour même où je suis arrivé, je devais avoir un dark match en fait pour un show, mais j'étais arrivé trop tard, j'avais dû arriver à Londres à quelque chose comme 17h et le show était prévu à 20h, donc c'était pas à Londres, donc voilà, j'ai été en retard pour le premier match, donc je l'ai pas fait, mais du lendemain, mon contact m'a dit que j'avais possibilité de participer à un Rumble, donc ce que j'ai fait quoi, tout simplement. J'avais également un séminaire dans l'après-midi avant le Rumble en fait avec Andy Simmons. C'était super avec des gars de la Lucha London Wrestling, je pense que c'est ça. Ouais. London Wrestling, je sais pas quoi. Et c'était sympa. Ouais. Et il y a eu l'occasion, t'as eu l'occasion de faire passer certains par la troisième corde ou? Non, il s'est fait passer par la troisième corde. Je l'ai vu moi. Il peut pas mentir. Mais ouais non, j'ai malheureusement j'ai été été éjecté assez rapidement. Parce que ils ont quand même des beaux gabarits. Donc j'ai été éjecté assez vite. Mais bon, c'était une bonne expérience. J'ai pu faire un Rumble, encore un. Vu que quand j'avais été en Angleterre avec Emric, donc l'été dernier, on avait également fait un Rumble après notre match tag. Donc c'est un autre Rumble. Ah, c'est parfait déjà d'avoir à votre âge déjà autant varié de matchs. Ça fait pas mal d'expérience. Ouais, tout à fait. Bah, je pense qu'on doit tourner à une vingtaine de matchs chacun. Quelque chose comme ça, c'est pas énorme, mais voilà, on est encore jeune, on s'entraîne, on espère que ça va vite monter. Sinon, sur votre condition de fan de catch, vous suivez quelle fédération actuellement? Ah voilà, enfin, on suit ce qui se passe un petit peu sur Facebook, etc. On regarde un peu de tout. Ouais, majoritairement VVE. Mais enfin la télé, personnellement, je suis plus trop, puisque par rapport rien que aux études pour le moment, je peux pas vraiment m'attarder. Voilà, en plus il y a les shows la nuit, etc. Mais ouais, c'est regarder vite fait sur internet ce qu'ils disent sur tel match. Voilà, un peu le trend qui s'applique à la VVE. TNA, je regarde pas spécialement. Non. Non. Après moi, bon. Moi, il m'arrive de regarder de temps en temps quelques matchs Pro Wrestling Guerrilla. J'aime pas mal. Sinon VVE, mais j'aime un peu moins le produit actuel. Donc voilà. Et puis par rapport à ce qu'on vous avait dit plus tôt, on fait quand même des grosses journées. Donc avec les études, tout ça, on rentre, on va au sport tous les soirs, que ça soit muscu ou catch. Ouais. Donc voilà, ça laisse un peu moins de temps libre en fait. D'accord. Moi, justement, là, en parlant du temps, j'ai une question auditeur. Il y en a deux qui l'ont posée, Showtime et Dame Catch. Est-ce que vous aurez comme projet d'intégrer une grosse fédération comme la WWE? Parce que c'est vrai que là, il y a le Performance Center et tout ça, ça prend pas mal de temps. Et puis, est-ce que vous auriez comme ambition éventuellement, ou est-ce que vous pensez que ça serait possible sur votre ligne Impossible, mais pas français. Après, voilà, alors, on sait que ça va être dur. Mais bien sûr, faut se fixer comme objectif, voilà. Qui, comme catcheur, aujourd'hui, si on lui posait la question, est-ce que tu aimerais aller à la VVE, s'il répond non, c'est un peu dommage, évidemment. C'est la maison mère, quoi. Voilà, évidemment que c'est une finalité absolue. Après, voilà, on en oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on aimerait par-dessus tout faire. Mais voilà, pour le moment, déjà, on se fixe déjà comme objectif sur le catch européen. Voilà, catch européen. Ensuite, essayer un petit peu de diversifier au niveau international, partir plutôt au Japon, Hong Kong, États-Unis. Et ensuite, là, on pourra peut-être voir la VVE. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont également des standards physiques assez impressionnants. Bon, nous, on a la chance d'être assez grands. Donc moi je fais à peu près 1m81, 82, et Emric fait 1m80. 3 ou 4. 1m90 pour Emric. 1m90, mais n'importe quoi. Si, je fais un peu plus. Bah, non, je fais 1m87, mec. Tu... Non, je fais pas 1m87. Bon, je vais me mesurer après. Il me met un grand front, voilà. Ah, la croissance, c'est peut-être pas terminé, donc. Oh si, je pense que ça ira. Ça ira. Ça s'est stoppé, mais bon, ça va, on a quand même. On n'est pas petit, on va dire, donc ça va de ce côté-là. Mais après, c'est vrai, quand on a commencé le catch, on avait 16 ans, on était. Honnêtement, deux bâtons, deux tiges frêles et voilà. Donc un beau jour, on s'est dit bon, il va peut-être falloir faire un petit peu de muscu pour être un petit peu plus crédible déjà. Donc voilà, on a commencé. Mais bon, c'est vrai qu'après, c'est des années de muscu pour avoir des physiques VVE. Donc on n'y est pas encore au niveau physique. Mais faut se dire que c'est un sacrifice quand même. Ouais. C'est parce que le catch, voilà, c'est. Voilà, c'est un spectacle, mais faut savoir être propre. Donc, il faut être propre si on veut pouvoir faire quelque chose de bien. Ouais. Donc, évidemment, ça demande beaucoup de sacrifices. Il y a du sacrifice, voilà, in-ring, puisqu'on doit se déplacer pour les shows, etc. Mais il y a aussi un sacrifice sur son temps perso. Son temps, ouais. Hein, puisque le soir, il y a la musculation, il y a l'entraînement, etc. Donc, si on veut vraiment faire pro, je pense qu'il faut vraiment se donner les moyens et ça prend 70-80% de notre temps, donc c'est vraiment quelque chose de... C'est pas à prendre à la légère, c'est soit on se donne à fond, soit il y aura peut-être moins loin, quoi. Mais voilà, mais bon, nos ambitions sont telles que pour le moment, on peut pas se permettre de ne pas faire les choses à moitié, enfin de faire les choses qu'à moitié, donc on fait un maximum. Ah, mais votre sacrifice, parfois, moi, je l'aime bien, parce que, j'ai entendu Triple H, pas plus tard qu'hier, qui le disait, ça, justement. Donc, ça coûte. C'est du sacrifice, ouais. Ouais, sinon, on lui a dit de le dire, c'est pour ça. Et sinon, est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité d'être présent, voire d'affronter, sur un show, un catcheur de renommée mondiale? Non. Non. Mais, non. Peut-être pas de renommée mondiale, bon. Européenne. Ouais. On n'a pas catché, mais on va dire qu'on a fait des séminaires. Donc, on a fait pas mal de séminaires sous la bannière Uncatch. On a fait un séminaire avec Joey Legend, qui tourne pas mal en Europe maintenant. Oui, c'est quand même. Donc, on a eu l'occasion de s'entraîner avec lui. Il nous a montré pas mal de trucs. Après, on a fait un séminaire également sous Uncatch avec Jonathan Gresham. Donc, pour tous les élèves Uncatch. Donc, c'était vraiment sympa. C'est un mec, franchement, honnêtement, bourré de talent. Ouais, c'est vrai, vous en parlez. Ouais, justement, j'avais entendu ça. Ouais, c'est un mec vraiment. Je sais pas pourquoi il est pas déjà à la WWE. Donc bon, voilà. Et après, on a fait également un séminaire avec Tommy End et Michael Dante. Donc voilà, ça fait déjà trois beaux names, je trouve, européens avec qui on s'est entraîné. Puis on a croisé, entre guillemets, surtout toi, quoi, aux côtés de Manu. Oui, tout à fait. Avec Star VVE également. Cousin ou je sais, du rock, je sais plus. Ouais, ça doit c'est la famille des Samoans. Ouais, Manu. Qui était en équipe avec c'était Orton et Orton, ouais, à l'époque de la Legacy. Ouais, c'était le Samoa de la Legacy. On a eu la chance de le côtoyer sur un show Uncatch Paris Manga. Les éditions de Paris Manga. Où Roméo était également booké, ouais. Et sinon, est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité d'assister à des shows en tant que spectateur? Je pense surtout aux shows de la WWE, comme il y en avait pas mal dans la région, dans le nord, là, notamment à Liévin, en Wawarchie. Eh ben, ça va peut-être vous étonner, mais moi, personnellement, jamais. Moi non plus. Je n'ai jamais vu un show de catch de ma vie. Je peux vous le dire, je n'ai jamais vu un show de catch de ma vie. Mais moi, je pense que... Emric, tu as eu droit, je pense que... Bah. On n'avait même pas encore commencé le catch, il me semble que tu avais été voir un show à l'époque ICWA. Ouais, ICWA, Wazem. Et bizarrement, donc bon, sur le show, donc il y avait Rosto et Booster. Donc Rosto qu'on a côtoyé également. Et puis l'arbitre, et ben c'était Sturi, notre futur entraîneur. Ouais, donc, je savais pas encore. Ouais. Quelques mois avant, voilà, je l'ai vu sur un show à Wazem. Mmh. C'était un bon show, ouais, franchement, pour c'était le show, c'était un bon show. Moi, j'étais pas, mais... Avec les UK Pitbull, les deux monstres. Il y avait Roméo sur ce jeu. Roméo, je ne saurais plus te dire. Tu m'avais pas dit? C'est possible. C'est vers quelle année? Parce que. Ça doit être 2009 alors. 2009. On a commencé en 2010, donc ça devait être. Ouais, quelque chose, 2009, avant. Ouais, quelque chose comme 2009, ouais. À Wazem. Il y a 30 ans, hein, je pense. Ouais, donc voilà, ça c'était vraiment le vrai show que j'ai été après. C'est vrai qu'au niveau de la WWE, on n'a pas vraiment assisté. On n'a pas eu l'occasion, non. On n'a pas eu l'occasion. D'accord. Bah, on va continuer quand même à la WWE. Vous avez pensé quoi de la présence de la table de commentateurs français de composer de Christophe Ajus et Philippe Chéreau, là, à WrestleMania 30, la dernière édition? La classe. Une vraie classe, ouais. Ouais, c'est... C'était une claque, surtout, parce que... Enfin... Comment dire, la première fois que je les ai vus à WrestleMania 30, j'ai fait, mais c'est quoi, c'est un montage, c'est à rajouter, je sais pas, c'est pour faire le buzz, et non, finalement ils y étaient. Ils étaient vraiment, ouais. Ouais, la classe, ça doit vraiment être quelque chose. C'est, ouais, franchement, c'est. On n'a pas eu l'occasion de rencontrer Christophe Ajus et Monsieur Chéreau, ouais. Mais. Qui était là, enfin. Ah, ils étaient là au show. Non, Christophe Ajus qui est. Je pense que Christophe Ajus commentait justement OASM pour la CW à l'époque, ouais. Ah, bah, comme quoi, il a bien évolué. Il me semble que c'est également un ami de Romero, il me semble. Donc, franchement, les deux ont bien évolué et c'est incroyable, quoi. Ouais, c'est un peu rêvé, quand même. Ouais. Ben, Ajus, en fait, Ajus était, je crois, ou est encore, je sais plus, vice-président de l'ICWA. Donc et puis il commente encore quelques fois les shows de l'ICWA. Normalement, il devait être à Révolution 6, mais vu qu'il y avait Strasbourg et d'autres impératifs, il n'a pas pu être là. Mais sinon, il continue de faire des commentaires pour l'ICWA. D'accord. Ah bah c'est génial, ça c'est vraiment cool. Et en continuant sur le côté Frenchy, est-ce que vous regardez un petit peu NXT déjà? Non, enfin on suit quand même, enfin on regarde de temps en temps. Moi, je fais sur Buster ouais. Effort. Personnellement, ouais. Voilà, c'était pour lui. Fonctionnaire, Marcus Louis aussi, là, ils forment une équipe en ce moment. Ouais. Ouais, bah on a un petit peu regardé ce qu'ils font en équipe. Ouais, franchement c'est pas mal, c'est la classe pour la France. Ouais, c'est. Oui. Qui continue, puis, ouais. C'est... Ouais, puis on a quand même suivi un peu Tom La Rufa, son ancien nom, avant qu'il aille justement à la WWE. Ah, oui. Bah, il me semble qu'il a connu à une époque donc notre entraîneur Turi, ça devait être à l'époque ICWA. Donc ils formaient tous un grand groupe. Je pense qu'il y avait La Rufa, Turi, tout ça. Et je pense que notre entraîneur Turi l'a bien connu, quoi. Donc c'est marrant de voir la révolution. Ouais, les gens qui évoluent, voilà. C'est sympa. Est-ce que vous inspirez un petit peu de lui, du modèle qui représente actuellement ou pas? Non, pas forcément. Pas spécialement. Chacun a son gimmick, chacun a sa façon de présenter les choses sur un ring, chacun, voilà. Après, voilà, on l'admire pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Après, c'est un style de catch. Enfin, ça lui va bien, en tout cas. Sa gimmick, elle est. Mais on. Il n'y a rien à dire, mais ouais, on va pas dire qu'on s'en inspire, en fait. Voilà. Votre avis sur le network de la WWE? Je pense qu'il fallait passer par là, parce que bon, avec l'internet, etc., je pense que c'est aussi une façon pour la WWE, on va dire, de diffuser un peu plus son produit, voilà. Après, c'est vrai que je m'y suis pas forcément intéressé au WWE Network. Bon, après, pour moi, ça m'étonne pas, enfin, qu'ils fassent ça aujourd'hui. Mais bon. C'est vrai que, ouais, globalement, je voyais à peu près ce que c'était. Par contre, dans les détails, c'est vrai que j'aurais pas pu vous dire. Mais, moi, ça m'étonne pas qu'ils fassent ça aujourd'hui, hein. C'est vrai que c'est pas étonnant. Non, mais moi, quand je cherche un match, je m'assieds bon vieux YouTube, je tape les noms des catcheurs, et voilà, à l'ancienne. Sinon, je crois que c'était Emmerich qui avait cité l'Undertaker dans ses Dream Match. Votre avis sur la fin de la streak? Un peu déçu, on va dire. Puisque non, puisque que ça soit toi. Non, mais j'aurais bien aimé que ça soit quelqu'un qui puisse reprendre son flambeau un petit peu à la manière de Daniel Bryan ou Roman Reigns ou les stars un peu montantes, Cesaro. Plus jeune, quoi. Voilà. Quelque chose comme ça. Pour moi, Brock Lesnar aujourd'hui, c'est un catcheur qui a déjà fait ses preuves par le passé, qui fera plus ses preuves maintenant. C'est un catcheur qui entre guillemets, un vieux qui ne fait que des apparitions limitées, donc ça apporte pas vraiment de valeur ajoutée à la WWE. Ouais, pour moi, c'est juste casser la streak et. Voilà, pour dire casser la streak. Pour dire casser, voilà, prendre ta retraite et. Voilà, pour moi, déçu également. Voilà. Brock Lesnar ne reprendra jamais le flambeau de l'Undertaker, donc pour moi, c'est un gâchis quand même. C'est donc, du coup, notre match du Taker à WrestleMania, pour vous, c'est exclu. Si, puisqu'il partira pas comme ça. D'accord. Non, il partira pas comme ça. Pas du même avis qu'Emmerich, non. Après tant d'années, etc., il peut pas partir comme ça. S'il est pas à WrestleMania l'année prochaine, il sera l'année suivante. Mais il partira pas comme ça. Il tirera sa révérence, entre guillemets, dignement. Il pourra pas partir comme il l'a fait. Sur une défaite, tu veux. Il est parti, il y avait un calme plat. Tout le monde était, il a même pas fait de discours après. Tu peux pas partir comme ça. Enfin, tu peux pas partir comme ça. Pour moi, il y aura autre chose. Pour moi, il y aura autre chose. Après, voilà, je trouve ça dommage. Le fait d'avoir cassé la streak comme ça, je trouve ça dommage. Donc, l'interview officieusement est terminée. On finit habituellement avec une petite minute décalée, c'est-à-dire qu'on va vous poser des questions un peu plus rapides où il faudra répondre plus rapidement sans vraiment réfléchir. Vous, si vous voulez pas répondre ou si vous savez pas quoi répondre, vous pouvez dire Joker et là c'est moi qui répondrai. Vous avez, allez, on va mettre 3 Jokers gentils. Bon, il y a une dizaine de questions. Et 3 jokers, ça devrait suffire. Donc, entre ces deux tag teams, les Wyatt ou The Shield? Shield. Sinaz ou Orton? Orton. Ouais, pareil. Le meilleur, Daniel Bryan ou le retraité qui peint des bols et des chaises, CM Punk? CM Punk, Bryan. Bret Hart ou Shawn Michaels? Shawn Michaels. La bière avec Stone Cold Steve Austin ou les films G.I. Joe avec The Rock? Bière, G.I. Joe, merci. ouais, bière, allez. Le thé ou la Guinness? Guinness. Oui, Guinness. Total Diva ou Tough Enough? Laquelle des deux vous participeriez? À laquelle des deux? Tough Enough, hein, ouais, je crois. Ah, pas Total Diva, c'est étonnant, bref. Il y avait Renaud qui nous disait que Jesse et Festus catchaient en tag team en tant que cousin. Qui est Festus dans la team? Ah, Emric. Le Festus. Emric. Non, Alexis, merci. Il a gagné, Alexis l'a gagné parce qu'il a dit en premier. Voilà, merci. Bah sur ce, je vais juste rappeler d'abord les partenaires avec FN Lutte, Voxcatch, là où Pierre t'as fait quelques articles sur les shows de ICWA justement, Révolution 6 et Adrénaline, et puis aussi les rapports des interviews. Vous avez parlé avec Vincent à Tommy Hent, non? On a parlé à Chris Hero, Tristan Archer, Booster et Luca Di Leo. Voilà. On leur a posé 2-3 questions, c'est disponible en ligne, vous pouvez aller voir sur Voxcatch. Et il y a la review des deux shows, donc Adrénaline et Révolution 6. La suite avec Wrestling Evolution League, Instant Catch, Catch as Illum, Révolte, la radio de Kevin, Wrestling Original. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, @WrestlesRadio, sur Facebook, Wrestles Radio entre parenthèses officielles, et puis nous écouter sur YouTube, archive.org et iTunes. Vous pouvez nous écrire par mail à l'adresse wrestlesradio@gmail.com, tout attaché en minuscule. Et c'est là que j'en arrive en général à la partie dédicace. Donc, est-ce que vous auriez éventuellement des personnes à qui vous pensez là les anciens élèves. Hein. Ouais. Bon, on va faire un petit bisou à Léo Nolette. Petite Nolette. Jacques-Yves Le Bon Français, Sturie, voilà, famille M-Catch. Ouais. Et Damien Duvel, Norbert Foufoune et compagnie. Ouais, voilà, merci à eux, merci à particulièrement quand même à notre entraîneur Philippe qui a toujours cru en nous, et puis voilà, si on est là aussi aujourd'hui, c'est grâce à lui. Voilà, on a mis nos efforts également, mais c'est aussi grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Voilà. Et au bon Petrovic. Ouais, notre bon Petrovic, notre grand PA qui nous a formé également, le premier à nous avoir fait sauter sur les tatamis au début, qui aujourd'hui a dû s'éclipser un petit peu pour des raisons personnelles. On va le dire, trop vieux pour ses conneries. Voilà, DDG, c'est Philippe et PA et la team Ncash. Oksana non plus, voilà. Et gros bisous. Et voilà, et longue vie au catch. Voilà. Je peux rappeler que donc vous pouvez écouter donc les interviews déjà passées donc de Roméo et de Colby, et bien sûr d'autres interviews déjà du passé qu'on avait faites avec Shanna notamment, Sylvain Kermtek, Norbert Feuillard, donc on va parler avec bonjour. Norbert, on va aller écouter ça. Et aussi par exemple Sylvain Varini et Grégory Dis qu'on aura prochainement, on vous précisera la date. Le prochain podcast ce sera d'ailleurs la TNA à ce sujet, vu qu'ils auront une place de commentateur à Saint-Anniversary, donc ce sera pour la semaine prochaine, podcast TNA. Donc... Encore la TNA qui copie, hein. Oui. Le troll. Non, c'est la deuxième fois, en fait l'année dernière c'était déjà le cas. Ah bon, là c'est la WWE qui copie alors. Voilà, ouais. Et donc, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, on vous souhaite quand même un excellent avenir. Et puis, de continuer comme ça sur cette lancée, parce que, ma foi, ça débute très très bien. Et puis, de voir encore plus de grands noms, et puis de les affronter, et puis de les battre. écoutez, en tout cas, si vous avez un match face à Tommy Hill et Michael Dante, moi j'aimerais bien être là. Bientôt. Qui sait, bientôt. À mon avis, ce sera une belle affiche. On va en parler à Norbert. Alors, Norbert, si tu nous entends, on veut la Summerian. Voilà, le message est passé. merci en tout cas de nous avoir invités, ça nous a fait super plaisir. Ça montre aussi que on s'intéresse aussi un petit peu à nous, ça fait plaisir, français, le catch français en général, et franchement, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et on n'hésitera pas à refaire le point à un moment donné, une fois que, à mon avis, vous serez devenu l'équipe de référence en Europe, déjà. Merci. Merci. On vous dit à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir et puis à vous suivre aussi. Vous avez un Twitter? Non, on n'a pas de Twitter, mais pourquoi pas se mettre à la page également. On est trop vieux pour ces trucs-là. On est déjà trop vieux. Et donc sur Facebook, les Facebook. Sans particulier sur le même que pour Noël, quoi. Voilà. je me rappelle plus le nom en fait de cet accent, c'est pour ça. Le tréma. Ah merci, merci Pierre. Donc sur ce, merci encore et puis donc à la prochaine et puis n'hésitez pas donc à réagir sur tous les supports Facebook, Twitter, par mail, sur le forum Wessel aussi, n'hésitez pas. Voilà. Merci, à la prochaine, ciao. Merci. Allez, au revoir à tous.